des morts, des blessés. Deux peuples se disputent la même terre et l'on ne sait plus comment tout cela a commencé. On parle de paix mais j'y vois du sang et la mort. À croire qu'ils veulent faire naître à la mort. J'ai vu l'espoir et l'amour ensemble. Des enfants sans vie, des mères en sanglots. Palestine. Des bombes sur un drapeau. Un embargo, un peuple derrière les barreaux. J'ai vu des tombes pour les vieillards et des petites tombes pour les mômes. Et les bourreaux restent anonymes. J'ai vu les states applaudir, les gens les maudire. J'ai vu la haine dans les yeux des hommes. Je les entends parler de vengeance et dire qu'ils semaient des graines de paix, des corps sous leurs semelles. Palestine. Moi je crie au génocide. À croire qu'ils ne voient pas qu'on a de l'amour dans nos gènes aussi. J'ai mis ma plume face à leur mépris. Le poids des mots ne suffit plus au poids des morts. Rien qu'un appel sous les débris. Palestine, la vérité sera faire résonner tes cris. Palestine, j'entends tes souffrances malgré leur mépris. Le cri d'un peuple plongé dans la mort. Palestine, le son des braves, hommage à nos martyrs. Le cri du cœur sur un sang. Palestine, j'ai vu les grillages autour des villes. Des barricades, des soldats venus voler des vies. Palestiniens, je suis, nous sommes, vous êtes les témoins de la tragédie du siècle. Je suis palestinien dans ma paix. Palestinien quand la douleur de la vie se met à me blesser dans ma chair. Je suis palestinien face au drame. J'ai vu les chars tirer sur des gosses nains al-shaitan. Moi je suis un gars jeune et je milite. J'ai vu la détresse d'un peuple donc ma plume servira à l'infirme. J'ai vu la tragédie du siècle faire périr leurs utopiques rêves d'humanité. J'ai vu du poison dans la sève, le monde coupant en deux et le mal sévère. Palestine, tu portes le deuil et ça m'obsède. Alors que le monde assiste à tes obsèques calmement. Je t'ai dit mon texte pour la Palestine. Car je suis, nous sommes, vous êtes les témoins de la tragédie du siècle. Palestine, j'entends tes souffrances malgré leur mépris. Le cri d'un peuple plongé dans la mort. Palestine, le son des braves, hommage à nos martyrs. Le cri du cœur sur un sang. Palestine, j'ai vu les grillages autour des villes. Des barricades, des soldats venus voler des vies. Palestiniens, je suis, nous sommes, vous êtes les témoins de la tragédie du siècle. C'est donc ça la paix, regarde ce qu'ils ont fait. Décimé en peuple, violence à l'excès. Le rôle du diable incarné par ces militaires. Y'a du sang sur ma feuille car c'est devenu la guerre. Palestine porte le poids de la famille. Génocide et crime jusque dans l'estime. Le silence est mortel, complicité ici. L'ignorance devient criminelle jusqu'à New York City. On vient braquer des peuples sur leur sol. Prendre leur vie, leur drapeau et barber leur salle. C'est l'horreur. Y'a des cadavres dans les écoles troués par balles. Dieu merci, reste encore des bonhommes là-bas. Des chiens ravagent des villes mais tout le monde s'en bat. Carnage civil. Jérusalem à Brazzaville. Les bombes tuent les hommes. Les hommes deviennent des bombes, parce que la paix se cache parfois sous une tombe. Rien n'est justifiable, qui sont les coupables. Face à la Hagra, regarde de quoi on est capable. Les femmes et les enfants deviennent sans abri. Comment éveiller les consciences quand l'argent devient un sabre? Palestine, j'entends tes souffrances malgré leur mépris. Le cri d'un peuple plongé dans la mort. Palestine, le son des braves, hommage à nos martyrs. Le cri du cœur sur un sang. Palestine, j'ai vu les grillages autour des villes. Des barricades, des soldats venus voler des vies. Palestiniens, je suis, nous sommes, vous êtes les témoins de la tragédie du siècle.